السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc bienvenue à tous en ce soir du samedi 26 Ramadan 1442, correspondant au 8 mai 2021. En vérité, puisque le Maghreb est passé, nous sommes le 27 Ramadan. C'est la nuit du dimanche, 27 Ramadan. Car comme vous le savez, en islam, la nuit précède le jour. Donc à partir du Maghreb, le jour suivant commence. Alors que pour le calendrier français, c'est à partir de minuit que le jour change. Donc nous sommes toujours dans l'explication du livre Bulugh al-Maram, le livre des généralités et le chapitre du bon comportement. Donc on a vu jusqu'à présent les 7 premiers hadiths, et lors du dernier cours, on a vu 4 hadiths. Le premier était le 4e donc du chapitre, celui d'Ibn Mas'ud, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: si vous êtes trois, que deux ne s'isolent pas du troisième jusqu'à ce qu'il soit avec d'autres personnes, afin de ne pas le blesser. Donc le hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim, et on a vu que ce qui est voulu dans ce hadith, c'est de ne pas mettre à l'écart une personne lors d'une assise. Ensuite le hadith de Ibn Omar radiallahu anhuma, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: que l'homme ne fasse pas se lever la personne de sa place puis s'y assoit, mais plutôt élargissez l'assise, également rapporté par Al-Bukhari Muslim, et qui parlait du bon comportement lors des assises, de ne pas faire se lever une personne, mais plutôt d'élargir les rangs. Suivi du hadith d'Ibn Abbas radiallahu anhuma, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous mange, qu'il ne s'essuie pas la main avant de la lécher ou de la faire lécher, également rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et on voyait dans ce hadith le bon comportement lors du repas. Et enfin, on a fini par le hadith d'Abu Huraira, radiallahu anhu, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: que passe le salam en premier le plus jeune envers le plus âgé, celui qui marche à celui qui est assis, et le petit nombre envers le grand nombre. Également rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et on voyait dans ce hadith le comportement à adopter lors des salutations, le fait de passer le salam, qui commence, qui est le plus en droit à passer le salam plutôt qu'un autre. Et cette semaine, on va continuer dans le comportement lié au fait de passer le salam. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم. رواه أحمد والبيهقي. D'après علي رضي الله عنه, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: il suffit au groupe en déplacement que l'un d'entre eux passe le salam, et il suffit à l'autre groupe que l'un d'entre eux réponde au salam. Hadith rapporté par l'imam Ahmed et Al-Bayhaqi, rahimahumallah. Donc le premier point que nous allons voir ici, c'est le compagnon rapporteur du hadith, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Donc Ali ibn Abi Talib, ibn Abdel Muttalib, Al-Hashimi, Al-Qurashi, Abu al-Hassan. Il fut appelé également Abu Turab ou Haydara, un grand compagnon parmi les compagnons, l'un des premiers à s'être converti à l'islam de son jeune âge, le premier parmi les enfants à s'être converti à l'islam, Amir al-Mu'minin, le prince des croyants, le quatrième calife, après Abu Bakr, Omar et Othman. Il a participé à toutes les batailles sauf celle de Tabouk. On le retrouve également cité dans le hadith des 10 personnes qui ont eu la bonne annonce du paradis. Mariée à Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le père d'El Hassan ou Al-Hussein, un compagnon connu pour son courage. C'est le premier à avoir combattu lors de la bataille de Badr, où il a affronté Shayba et l'a vaincu. Il fait évidemment partie de Ahlul Bayt. Il a vécu dès son plus jeune âge très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il vivait avec lui. Il y a également l'histoire où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de la bataille de Khaybar, a dit qu'il allait donner l'étendard, c'est-à-dire le drapeau qu'ils utilisaient pendant la guerre. Donc il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il allait donner certainement cet étendard à un homme qui aime Allah et que Allah aime. Et ensuite il a donné cet étendard à Ali, radiallahu anhu. C'est également lui qui l'a laissé derrière lui à Médine lorsqu'il a effectué la hijra, sallallahu alayhi wa sallam, où il avait la responsabilité, donc pendant ces jours-là, de clôturer ce qu'il y avait en cours encore avec les gens de Quraysh, rendre les dépôts, etc. C'est également lui qui a lavé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui l'a enterré. Concernant son apparence, on sait que c'était quelqu'un qui était plutôt blanc de peau, qui avait très peu de cheveux, d'une taille un peu plus basse que la moyenne, et une barbe très fournie. Également, on connaît beaucoup El-Hassan et El-Hussein, ses enfants, mais il faut savoir qu'il avait plus de 30 enfants. Il a donc pris le califat après la mort de Othman, radiallahu anhu, et avec une période où il y avait beaucoup de pression, justement lié à la mort de Othman, radiallahu anhu, jusqu'à ce que les Khawarij le sortent de l'islam et décident de le tuer. Et il sera donc assassiné en l'an 40 de l'Hégire, le matin du Jumu'ah 17 Ramadan, pendant la prière de Fajr, assassiné par Abdurrahman ibn Mujlim. Et il a été enterré à Al-Kufa, à la Sahir. Ses fils Al-Hassan ou Al-Hussein l'ont lavé et son fils Al-Hassan a prié sur lui. Radiallahu anhum. Il est le 10e parmi les rapporteurs de hadith en ayant rapporté plus de 530 hadiths, dont celui que l'on vient de citer. Concernant la parole de l'auteur, Rawahu Ahmed wal-Bayhaqi. Les savants comme Shir ibn Baz ont cité que le hadith, ils l'ont cherché dans le mousnad de l'imam Ahmed et ne l'ont pas trouvé. Par contre, il est bien rapporté par Al-Bayhaqi et également par Abu Daoud. Donc le hadith n'est pas rapporté ni par Al-Bukhari ni par Muslim. Donc comme on a dit précédemment, quand un hadith n'est pas rapporté ni par Al-Bukhari ni par Muslim, il faut regarder quant à son authenticité. Et il se trouve que dans la chaîne de transmission de ce hadith, il y a un homme qui s'appelle Saïd ibn Khalid, et beaucoup de savants ont parlé sur lui, en disant que c'était un rapporteur faible. Parmi les savants qui ont parlé sur lui, l'imam al-Bukhari, Ibn Abi Hatim, Ad-Darqutni et d'autres. Il a été également rapporté que dans la chaîne de transmission de ce hadith, il y a deux rapporteurs qui n'ont pas rapporté l'un de l'autre. On a donc Abdullah ibn Fadl qui dit rapporter le hadith d'après Ubaydillah ibn Abi Rafi', mais l'imam ibn Abdil Barr, rahimahullah, dit que Abdullah ibn al-Fadl n'a pas pris le hadith de Ubaydillah, mais qu'entre deux, il y avait un autre rapporteur qui n'est pas cité dans ce hadith. Pour toutes ces raisons, le hadith est considéré comme faible, mais ensuite certains savants, comme justement Ibn Abdil Barr, voient que ce hadith peut être renforcé par d'autres, et être considéré comme un hadith hasan. Dans tous les cas, le sens de ce hadith ne contredit pas les hadiths qu'on a vus auparavant et la sunna de manière générale. Donc le sens de ce hadith est que si un groupe de personnes croise un musulman, alors ils doivent lui passer le salam, et ce qui est demandé, c'est que un seul passe le salam. Et ensuite, des savants ont dit que il est meilleur que tout le monde passe le salam, mais que le minimum, c'est que une seule parmi ces personnes-là passe le salam. D'autres savants ont rapporté que dans certains cas, il n'est pas préférable que tout le monde passe le salam, et ils se sont basés en cela sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il visitait un malade, c'est lui qui passait le salam et pas les autres compagnons. Et ensuite, le fait de répondre au salam, de la même manière, il suffit pour être récompensé qu'une personne parmi le groupe réponde au salam pour que les autres n'aient pas à le faire. Ensuite, parmi les cas particuliers que l'on peut citer, c'est si la personne qui passe le salam ou qui répond au salam n'est pas une personne ayant atteint la puberté, alors il faudra que quelqu'un d'autre passe le salam. Les savants ont également dit que si une personne vise une personne particulière dans son salam, alors ce sera à cette personne-là particulière l'obligation de répondre. Comme par exemple, si un homme rentre dans une assise où il y a un gouverneur, alors tout naturellement son salam sera orienté vers le gouverneur, et si quelqu'un d'autre répond à ce salam, alors il restera quand même l'obligation au gouverneur ou à celui à qui le salam était orienté particulièrement à répondre à ce salam. Mais ça, ce sont des cas particuliers. Donc pour résumer, ce qui est voulu sur la question de passer et rendre le salam quand il y a un groupe, c'est que passer le salam, c'est une sunna qui doit être remplie par au moins une personne, et répondre au salam, c'est une obligation qui doit être faite par au minimum une personne. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le hadith de Ali radiallahu anhu. D'ailleurs, certaines personnes, peut-être vous avez déjà entendu, disent en parlant de Ali, karramallahu wajha, c'est-à-dire qu'on pourrait traduire par qu'Allah anoblisse son visage ou sa face. Ça, c'est une caractéristique des chiites de parler comme ça. Et il n'y a pas de raison de spécifier une invocation particulière dans ce cas-là pour Ali, mais on va dire pour Ali, comme on dit pour les autres compagnons, radiallahu anhu. Et d'ailleurs, radiallahu anhu est meilleur que karramallahu wajha. Radiallahu anhu qui signifie qu'Allah l'agrée. Et qu'y a-t-il de meilleur pour un être humain que l'agrément d'Allah? Donc les personnes qui ont voulu ramener cette invocation particulière, en voulant par cela élever le compagnon Ali, radiallahu anhu, en vérité ne l'ont pas fait. Puisqu'il n'y a pas meilleur que dire radiallahu anhu. C'est les termes qu'Allah a employés d'ailleurs dans le Coran. Donc le musulman prend comme exemple la parole d'Allah, et particulièrement pour les invocations, essaye de se conformer au maximum à ce qui a été rapporté dans la sunna, et donc comme on a dit dans le Saint-Coran. Barakallahu fikum, fin de la parenthèse. Et donc on va voir le deuxième hadith. Wa'anhu, radiallahu anhu, qala, qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, la tabda'u al-yahuda wa al-nasara bis-salam, wa idha laqitumuhum fit tariq, fattarruhum ila adjaqihi. Akhrajahu Muslim. Alors ici, il y a un cas un peu particulier, puisqu'il y a écrit dans la version arabe « wa'anhu » d'après « lui ». Donc ici, c'est le pronom « lui » qui est rapporté, et pas le nom du compagnon. Donc ce qu'on peut comprendre ici, c'est « et d'après lui », c'est-à-dire « Ali » radiallahu anhu. Pourtant, ce hadith, ce même hadith, a déjà été rapporté par Ibn Hajar, donc l'auteur de Bulugh al-Maram, dans ce même livre, dans Bulugh al-Maram. Dans quelques hadiths précédents, il a rapporté ce hadith-là en disant « Wa'an Abi Huraira », donc d'après Abu Huraira. Donc il se peut que ce soit une erreur ou un oubli, ou par exemple qu'il a inversé deux hadiths, puisque le hadith qui est avant celui de Ali est de Abu Huraira. Mais dans tous les cas, ce hadith est bien rapporté par Abu Huraira. Et regardez l'impact que peut avoir une lettre, puisque ici en arabe, Wa'anhu. Hu, c'est ça le pronom personnel qui revient à lui, qui signifie lui en arabe. Donc ici, et d'après lui. Le simple fait d'avoir mis ici lui au lieu de mettre Abu Huraira, regardez les conséquences. Premièrement, ce hadith, certaines personnes pourraient croire qu'il est rapporté par Ali. Mais si on regarde les quatre hadiths qui suivent, ils sont tous rapportés avec le pronom personnel lui également. Wa'anhu, wa'anhu, c'est-à-dire et d'après lui, et d'après lui. Donc, la personne qui va comprendre que ce hadith-là est rapporté par Ali va également comprendre que les quatre hadiths qui viennent par la suite sont rapportés par Ali. Alors que les quatre hadiths qui vont suivre sont rapportés par Abu Huraira. Donc regardez ici l'importance pour un pronom, les conséquences que ça peut avoir de penser que le hadith est rapporté par un autre compagnon. Donc peut-être d'aller chercher le hadith ailleurs et de ne jamais le trouver, puisque c'est pas le même compagnon qui le rapporte. Et on voit également l'importance de prendre la science des savants de confiance. Parce que si vous prenez ce livre-là tout seul en langue arabe, par exemple, ou même en langue française, s'il est mal traduit, et que vous choisissez une édition qui veut juste imprimer des livres et gagner de l'argent, alors vous risquez de tomber dans cette erreur. Donc c'est pour ça que les savants conseillent, premièrement pour celui qui achète un livre, de choisir la bonne édition, celle qui est conseillée par les savants, avec un travail scientifique qui a été fait sur le livre. Et également, ce qui est encore mieux, c'est de prendre la science auprès des savants qui vont nous expliquer le texte correctement afin d'éviter une mauvaise compréhension de la part des étudiants. Donc, d'après Abu Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne débutez pas le salam avec les juifs et les chrétiens, et si vous les croisez sur un chemin, obligez-les à prendre le plus étroit. » Donc, ne débutez pas par le salam. Ça, on l'avait vu dans le premier hadith du chapitre, le droit du musulman sur le musulman, le fait de transmettre le salam. Donc, si on croise un musulman, on lui transmet le salam. En revanche, si un juif ou un chrétien nous passe le salam, alors on lui répond comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, c'est-à-dire s'il nous dit « Assalamu alaykum », on lui répond « Wa alaykum ». Et ce qui est voulu ici par les juifs et les chrétiens, c'est que en général, les juifs et les chrétiens, ils font partie des mécréants qui ont des droits particuliers. Donc s'il y a une distinction entre les musulmans et les juifs et les chrétiens, alors a fortiori, les autres mécréants rentrent dans le même cas. Donc ici, le fait de ne pas débuter par le salam s'applique sur les juifs, les chrétiens et les mécréants de manière générale. Ensuite, les savants ont cité des exceptions, certains cas particuliers, mais la règle de base, c'est celle-là. Et si vous les croisez sur un chemin, obligez-les à prendre le plus étroit. Ce qui est voulu ici, c'est s'il n'y a pas possibilité pour tout le monde de passer. Car si tout le monde peut passer, tout le monde passe. Mais s'il y a à choisir entre ce qu'un musulman passe ou laisse le passage à des juifs ou des chrétiens, alors il prend le passage. Et regardez comment l'islam nous enseigne à donner de l'importance à avoir une bonne croyance. Le musulman doit être fier de sa religion. Et s'il commence à pratiquer des actes dans lesquels il se rabaisse face à des mécréants, alors petit à petit, les actes vont avoir un impact sur la croyance. Et la croyance correcte également à avoir à ce sujet, c'est que le musulman veut le bien pour les autres. Et il n'y a pas meilleur que l'islam. Donc le fait de montrer aux autres la valeur de l'islam peut avoir également sur eux un impact positif. Et l'islam est une religion juste et parfaite. Et donc le bon comportement sera de répondre à la salutation du mécréant, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Et d'ailleurs, même avec le musulman innovateur, il y a des comportements qui vont avoir pour but, un, de se préserver soi-même, et deux, d'avoir un impact sur la personne pour qu'il réfléchisse, prenne du recul et délaisse cette erreur. Donc le musulman veut le bien pour lui, veut le bien pour les autres, et la meilleure façon d'obtenir ce bien, c'est de pratiquer correctement les enseignements de notre Créateur. Ce qu'Allah nous a enseigné dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la Sunna. Et donc, pardon, le hadith est rapporté par Muslim, donc il est authentique. Le hadith suivant, وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَتَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلْيَقُولَ لَهُ أَخُوهُ يَرْحَمُكَ اللَّهِ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهِ فَلْيَقُولَ يَهْدِكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِي. Donc d'après lui, Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si l'un d'entre vous éternue, qu'il dise Alhamdulillah, alors que son frère lui dise Yarhamukallah. Et s'il lui est dit Yarhamukallah, alors qu'il réponde Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Et le hadith est rapporté par Muslim. Donc ce point-là, on l'a déjà vu dans le premier chapitre, le premier hadith, pardon, des six droits du musulman. Et parmi les six droits, c'était le fait que si une personne éternue et dit Alhamdulillah, on doit lui répondre correctement. Et ici, donc, c'est détaillé. Si l'un d'entre vous éternue, qu'il dise Alhamdulillah. Donc ça, c'est ce qui est demandé pour celui qui éternue. Quand nous, on entend quelqu'un qui éternue, alors à ce moment-là, s'il dit Alhamdulillah, comme on avait vu, c'est la condition, s'il ne le dit pas, nous n'avons pas d'obligation. S'il dit Alhamdulillah, nous avons l'obligation de dire Yarhamukallah. Donc Alhamdulillah qui signifie les louanges sont à Allah, et Yarhamukallah qui signifie qu'Allah te fasse miséricorde. Et donc la personne qui a éternué et qui a dit Alhamdulillah, quand son frère lui dit Yarhamukallah, alors il lui répond Yahdikumullahu wa yuslihu balakum, qui signifie qu'Allah te guide et améliore ta situation. Et donc ça, c'est au masculin, Yarhamukallah, comme quand on dit Assalamu alayka, ici le ka c'est la marque du masculin. Pour une femme, elle dira à sa sœur Yarhamukillah, et la sœur lui répondra ensuite de la même manière, puisque ici c'est le pluriel qui est utilisé, Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Donc voilà, cela fait partie du bon comportement et de l'application de la sunna correcte. Et d'ailleurs, ce qu'on peut prendre comme bénéfice également de ce hadith est du fait que celui qui ne dit pas Alhamdulillah, on ne lui dit pas Yarhamukallah, c'est que celui qui délaisse la sunna, qu'elle soit obligatoire ou non, alors il aura parmi les punitions le fait de ne pas recevoir les invocations de son frère. Puisqu'ici, celui qui est éternu et dit Alhamdulillah, alors on invoque pour lui. On lui dit qu'Allah te fasse miséricorde. Donc on peut profiter de ce hadith pour essayer de faire notre maximum pour pratiquer correctement notre religion et ne pas délaisser certaines choses qui pourraient nous apporter beaucoup alors qu'on ne s'en rend même pas compte. Le hadith suivant, le 11e, وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا تَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِّنْكُمْ قَائِمًا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. D'après lui, Abu Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne buvez pas debout. Rapporté par Muslim. Donc, après le comportement à avoir sur la façon de passer le salam, on est ici sur un hadith qui parle du comportement avec la nourriture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici dit: ne buvez pas debout. Donc, est-ce que c'est une interdiction totale? Est-ce que c'est haram? Est-ce que c'est juste déconseillé? Les savants ont dit que la base, quand il nous est ordonné de ne pas faire quelque chose, c'est que la chose est interdite et que celui qui l'a fait risque d'être puni pour cela. Mais il peut y avoir des choses qui font passer le statut d'interdiction à déconseillé. Et c'est le cas ici, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été déjà rapporté qu'il a bu debout. Donc, partant du principe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas de haram, ne fait pas de choses interdites, alors les savants en ont déduit que boire debout était quelque chose de déconseillé et non quelque chose d'interdit. Mais est-ce qu'on comprend de cela que quelque chose de déconseillé, on peut le faire si on veut? Non. Quelque chose qui est déconseillé, on ne le fait pas. Celui qui pratique une chose qui est déconseillée en se disant « je peux le faire puisque ce n'est pas interdit comme ça sans raison », Alors on peut dire à cette personne-là qu'elle se trouve en danger. Puisque lorsque Allah lui ordonne de ne pas faire quelque chose, lui dit « mais c'est juste déconseillé, donc je peux le faire ». Et ceci est un chemin très dangereux qui peut l'emmener par la suite à faire des choses interdites, et voire plus grave, sortir de l'islam, qu'Allah nous en préserve. Ensuite, les savants ont cité comme exemple des situations où le fait de boire debout est autorisé. Comme par exemple, en période de Hajj, lorsqu'il y a beaucoup de monde et qu'il y a une vraie difficulté, voire même un danger à s'asseoir pour boire, alors il n'y a pas de mal à boire debout. Et il y a également dans ce hadith une réponse à ceux qui disent que l'islam est dans le cœur, que l'islam c'est la relation envers l'adorateur et Allah. Alors qu'à la base, le fait de boire, c'est quelque chose qui est autorisé. Mais l'islam est venu pour perfectionner le comportement de l'être humain en toute situation. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit « وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ » Nous avons fait descendre le livre comme un exposé clair de toutes choses. Ainsi, même dans les choses qui peuvent être considérées comme mondaines ou permises, ou qui n'ont pas de rapport a priori avec la religion, le musulman peut même dans ces actes-là obtenir des récompenses. En mettant en application ce genre de hadith, par exemple, ou alors, comme on a dit précédemment, en mettant une intention, comme par exemple la personne qui veut boire de l'eau, met l'intention de boire pour prendre des forces et pouvoir par la suite pratiquer des adorations. Wallahu a'lam. Le deuxième hadith, wa anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idha naza'a falyabda bil shimal waltakun al yumna awwalahuma tun'al wa akhirahuma tunza'. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: si vous mettez des chaussures, commencez par la droite, et si vous les retirez, commencez par la gauche. Que le pied droit soit toujours le premier chaussé et le dernier déchaussé. Et ici, Ibn Hajar, l'auteur du livre, Bulugh al-Maram, n'a pas donné d'indication sur le hadith. Est-ce qu'il est dans Bukhari, Muslim ou autre chose? Pourquoi? Parce qu'il va le dire dans le hadith suivant, que l'on va lire en même temps, Inch'Allah, puisque le sujet est le même. Et c'est d'ailleurs probablement la raison pour laquelle il a joint les deux. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحد ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا متفق عليهما. D'après Abu Huraira رضي الله عنه, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: ne marchez pas avec une seule chaussure, portez les deux ou retirez les deux. Et ensuite donc il a dit Ibn Hajar, muttafaqun alayhima, c'est-à-dire les deux sont rapportés par Al-Bukhari Muslim. Donc ce hadith est le hadith d'avant. Donc on voit ici encore la plénitude de la religion musulmane et le fait qu'elle englobe toutes choses, même celles qui peuvent nous paraître les plus minimes. Et voici un hadith qui parle de la façon de mettre ses chaussures. Donc le musulman, il commence par mettre ses chaussures par la droite et il commence par les retirer par la gauche. Et les savants ont rappelé que la prédominance de la droite sur la gauche était présente dans beaucoup de situations dans notre religion, et que la plupart des gens sur terre ont plus de force en utilisant leur côté droit plutôt que leur côté gauche. Donc c'est une facilité de commencer par la droite pour ensuite faire avec la gauche. Et le fait de commencer par la droite ne se limite pas aux chaussures, mais également aux chaussettes, au khouf et le reste des vêtements. Et dans le deuxième hadith, on voit qu'il ne faut pas marcher avec une seule chaussure, mais qu'il faut porter les deux ou retirer les deux. Et l'imam Ibn Baz, rahimahullah, avait été questionné sur le fait de marcher avec une seule chaussure jusqu'à rejoindre son autre chaussure. Donc de faire seulement un ou deux pas avec une seule chaussure. Et il avait répondu plus ou moins en faisant un jeu de mots, en disant « prends garde à ne faire aucun pas qui t'est interdit ». On peut également retirer comme enseignement de ce hadith qu'il est autorisé pour l'homme de marcher sans chaussures. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith que l'homme devait marcher pieds nus de temps en temps. Ça faisait partie de son côté masculin. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce hadith. Et on va s'arrêter là, inshallah. Encore merci d'avoir assisté à ce cours. Et on demande à Allah qu'il nous facilite pour continuer et essayer, inshallah, de finir ce chapitre. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين